بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين أمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال سيدي على الحراج برادة ناقلا عن شيخنا وسيرتنا لربنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن نبيهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها مملي ci soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon gis nañu jurom ñent fuk bi mo fuk ak ben wa c'est ko un joaillerie soxna wala gis ni deug wala wa le fait que wala jëlun ko wala joaillerie wala le fait que nekul won soxnam manam da ko jëlon. Voilà, Rayhana tamit dañuy wouté parce que borom xom dañu wouté ci Rayhana ndax ci ñooñu la bokk wala de ci ñi mu jëron ak ki ak muy ñett kon sa fekk ce qui fait que ñett ñoo manam Rayhana mom la ñenn ñi wo boole ci soxna yi ñenn ñi la déran ak boole wuñ ko ci mais dañ ko boole dañ ko considérer comme étant comme ñu def ak sey def di wër ya radi Allah anha ha ah mu dess kenen amna kenen ko ku mu tuddul moy maria al-qibtiyya maria al-qibtiyya moy ñettelu jambi mu voilà moy ñett ñan voilà donc kon sinon soxna yentou bi sallallahu alayhi wasallam fukku lañ ak ben sayyidatu joyriya mais bi yentou sallallahu alayhi wasallam di genn aduna 9 la fi baye ndax ñaar ñu genn aduna ak sayyidat khadija bi genn aduna ko azwajuhu ummahatul mu'minin hibal moy hein bien voilà deng kon voilà kon voilà manam kon sayyid safiya radhiyallahu anha moy fukel bi buñu konté wul rayhana buñ ko konté mu nek voilà mais comme mom dañuy wax né jam la ñu né du jam dañ koy bolé ci diam ci diam voilà pour mal ci soxna voilà ap voilà and ak wouté bu am ci wé ci soxna yu bokk wala dit way ban wax mo gëna deugar boudé 11 la su fekkenté né 11 lañ ci nekku ci rebolé wax mo gëna deugar d'accord su fekkenté nak légui comme 12 lañ boba né du diam moy gëna deugar mais bon ala kulli halin li tax wouté bi am amana moy affaire moy le fait que mu djel ko soxna ginnaw bi nekké jam voilà problème sir la waaw comme li sé rahat ma la wa da la tara abadan mahsir salafihim voilà bul gis mu ko ne pek nga seen woute yi mom tout temps dañuy woute sayyidat safiyyah bint huyay radhiyallahu anha ibn akhtab mom yeufat lo won manam mom ab yeufat lo won yeen tim saasam gis nga dar koy jël soxna mais mom tamit subiyat dañ ko jappone manam jam min khaybar ta khaybar sanata sabatin ci juroom ñaaralu at bi manam juroom ñaaralu at bi na gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam deng wa kana fek nako mu nekkon manam lako da nekkon en dafa kani wax kinanata ibn abul haqiq wala ibn abul hakim wala ci wax yu wuti qatalo ray nako rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ne musal mom kon safiya sayyid safiya radiyallahu anha radiyallahu anha yenti sallallahu alaihi wasallam bimu ko jele motax bimu ko jele soxna ba toglo ko ci bokku na ci li gënono jaaxal wa keur moy lolu moy bi papa am jekke ñew munako do tok mukk ci sama ci lan yenti bi ah non wacca ah mune le dama bëgg jox mëm lu xew ko wacca la wax yi wacca ci lan yenti bi dom ju mom sallallahu wa lan yenti sallallahu alayhi wa yow yefir wi be ci la xamé ni nak non vraiment ñi dëgg la ko islam bi ñu no vraiment gaay bi ñu wax ni dëgg la ko ki du mu dëgg waaw taw ci haye ibn akhla wala allah après ci la toubé ci la xamé ni nak ñi mom ki yi du chaaxal parce que li jaral sama dom bi tay mu ñew hein ñime manam ñime ma traiter ni ci laps de temps bu gatté ni ndax xam giim fonk giim geud giim jox yene sen yenenbi sallallahu alayhi wasallam non ki di ah ba paré mom dañ ko jappone jam xam nga lolu aussi mom dañ ko déforop jam motax mom même kiwum hay ibn akhtab bi mom kiwum amna ben frère bu andalon ben ko xamantene biñu andé biñu gis ndiké gis yénté bi sallallahu alayhi wasallam ndiké tous ak mom rek dañu taxaw rek diko fixer nan ni mom la ah hu mom ñu xol ko mom ak mom manam ki ñu doon gis ci sen téré yi ni koy décrire non ki la parce que exactement même description bi la ki la munu nek kenen description bi dafa exact ba nga xamne comme ni alcorane wax alladheena ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ni joxone téré ci lu jitu te moy yahoudi nasarani xam nañu ko mu yentu bi sallallahu alayhi wasallam comme niñu xamé sen doobi motax ñom sen falsification bi biñuy falsifier sen livre yi lolu la ñëkk dindi yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ay melom la ñëkk falsifier mon mom la alquran tuddu di wax nan yuharrifuna al-kalima am mawadhihi manam dañoo tahrif manam falsifier li nga xamantene mom moy kaddu gi mom moy turu yalla nbi sallallahu alayhi wasallam mom lañu wax al-kalim fofu non an mawadhihi ci beurep yi mu nekk yépp ci téré bi yépp ñu fexé ba jëm ko falsifier mais malgré lool mënuñu ko lool mom motax ba légui ni sax da ngay gis même sen téré yi ñu yor ni da ngay gis dinañ mën remonter ba gis ne effectivement touru sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci té manam même lolu sax mënuñu ko dindi totalement ñuy jéma changer ay melom ay attributum mais mënuñu ko batay parce que tout temps dina am yu ñuy bayyi yo xamné ay détails yo xamné moy déterminer effectivement que ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko tudoon mais avec une description précise exact concise ci ci sen téré sallallahu alayhi wasallam donc lolu motax mais bu ko laaje legui lu ñuy def mu nako xana nono ko rek ba kërëm ñuy dé ba legui pour ça subhana rabbi motax bi mu ndike ki num tudu sayyidna abdullah ibn salam radiyallahu anhu xamne mom mo nekkon fouri yahudi motax motax sayyidna umar radhiyallahu anhu bi mu gisee ay bobu moy ay bi ñan wax ye legi moy ne ñu wat ci ñom téré bi moy yahudi ak nasaranis mais surtout yahudi xam nañu ko comme niñu xamé ha seen ay doom mu laj ko ne ko waw yeen ndaw yalla yent bi mom sallallahu alayhi wasallam est ce que ni ngeen xamé sa doom ni nga xamé sa doom non nga ko xamé mu na ko man ni ma xamé yent bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna for ni ma xamé sa doom ni mu ko rek mu ne ko lutax mu ne parce que sama dom sama soxna rek mo ne ma mako djuf ma gëm ko alors que yentibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko décrire ci sun téré description yo exact clair précise yo xamantene mënu mako bañ xamé mom fu mo ne ko jakk dana xamni ki deng Sayyida Safiya radiyallahu anha mom deng matat ñu ngeen adna sanata 50 na juroom fukkelu at bi ginnaw ga dayal sallallahu alayhi wasallam moy 50e ane wodu fi nak rom nañ ko bil baqiya ta al baqiya moy al baqiya al gharqad ay mu dess ki mu mujjé jël soxna moy sayyidat maymuna ya maymuna radiyallahu anha wa sayyidat maymuna bint al haris al hilaliya radiyallahu anha tazawwajaha jelnuko soxna tak nako yentou sallallahu alaihi wasallam salata sabatin jurom ñaaral abdu baada khaybar ginnaw khaybar gis nga kon ginnaw khaybar après ci lako tak wa kanat nekkon na ismuha turum barra manam barra fa samaha mu dal ko sop tudde ko maymuna mom lol la comme nim defon ak zainab ko le sayyidat zainab manam mom bintu khuzaima wa manam mom bu sa bo tudde bu tudde barra da koy soppi dal len tudde maymuna wahiyata mom khalat moy badjal ibn abbas radiyallahu anhu wa khalid ak khalid ibn walid moy sen badjal motax ibn abbas radiyallahu anhu dan dem fofu lu bari wa dan fa dem lu bari motax ibn abbas radiyallahu anhu bok ak bok ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidat maymuna ñaar yoon radiyallahu anhu wala ndax le fait que premier bok bi moy abdullah ibn do ibn abbas la do abbas do abdul muttalib yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam do abdullah do abdul muttalib kon ñom ñaar ay manam ay cousin la limu liyent bi sa sam bok ak sayyidna ali karama la wajjo exactement mom la bok ak abdullah ibn abbas exactement lool moy premier bi benen bi ci dess te kon bu boba ci ko ci walu go ngay gis mok sayyidatu maymuna radhiyallahu anha ay goro la non gorom la wulbutiko manam bo gese kon ibn abbas radhiyallahu anhu ci wa ahlul bayt la bok wulbutiko bok nuru ak sayyidna manam mu wulbutiko mom yaayam tuddu lubaba lubaba bintul haris al hilal mo umul fadl la wax lubaba la tuddu umul fadl dakam tiwum la dakam tanum la ndax premier en fait ñom sen taw fadel la tuddu la fadel mo no fadel radiyallahu anha deug umul fadel mom moy kan moy yaay abdullah ibn abbas te umul fadel mom tamit sœur la ci sayyidat maymuna radiyallahu anha ñom ñaar ñep al haris moy sen bintul haris wala al-hilal motax ibn abbas radhiyallahu anhu dan fa dem ni di len setti bu dan dem fofu keur sayyidat maymuna la dan dem motax bu dan dem keur yentif sallallahu alayhi wasallam keur sayyidat maymuna la dan dem radhiyallahu anhu alors que ibn umar mom keur kan la dan dem sayyidat hafsa radhiyallahu anha wala mais ñom ñaar ñep ay xala lañ wona jamono joju nekku ñu won non plus ay mak yo xamantene dañuy dem di séti yi ci parce que ki mu dédét ay xala lañ won jamono joju d'ailleurs voilà dañ fa doon dem visite de courtoisie la dañ doon mais and ak lool yep dañ dañ jang lu bare bare bare bare bare ci seen visite de courtoisie yoy wala manam visite pour séti say mbokk ak yoy wala mais and ak lool yep ay xalé yu téré yow lañ yewu lool sax yémit digg day ci yewu wa motax lu bare bare bare ñu jangal ñuko malgré que ay xal lañ won tamuna joj no no sayyidat maymuna kon radiyallahu anha mom tazawwaja kon mom mi ngi attaque jurom ñaar at bi ginnaw khayba wa kana wa turum ismuha mom tamit noko na barra fa samaha sayyidat yantabi sallallahu alayhi wasallam tude ko maymuna wala tazawwaja tak do ko yantabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam wa sallam tan musal ko fi umratul qada ci manam umra bobu ñu tude umratul qada manam umratul qada dañ koy wax umratul qada ndax xamal qada moy fay ndax biñu jugé xam nga yaangi fatlikou biñu démé ané bu ñëkk bi waron juroom bénélu at bi waron dem umra ji ci lañ leen té ba sulahu hudaybiyye ci la amé won té leen ci wala wala yeen da ngeen di ñew ci do leen taggo bo finalement comment on va faire hmm ngeen di delu ba deewel et cetera mom moy xissa bu siw waxtane won nañ ko ci detaay US légui ci at ba ci teggu at ba ci teggu ci la ñewé manam ci la yantu bi sallallahu alayhi wasallam delu ci def umratul qada def umra manam motax umra bobu ñu delu ci wat ci ane bi mom lañ tuddé umratul qada manam ngir fay bi mais voilà motax ñu nan ko umratul qada manam ngir dafa ñew pour fay ci wala ñu ñew nak ñu neena imposer leen ay xéetu rythme ak yoy wala mais ñu ñew def seen umra ñu ne gaay nañ leen wa makk yeb nañ genn xajal leen buñ defé sé umra para ñu ñibi ñun ñu dugat wala problème baña am après ci deewun sa manam moy ci juroom ñettelu at bi ci la ñew def fathu makka wala ñu ci la ñew conquérir makka deng kon mom wahi yete mom moy akhiru man ki mujj ki nga xamne tazawwaja tak nako mu yantabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anha mata genn aduna sanata atub ihda wa khamsina ihda wa khamsina moy jurom fukel ak ben 50 ñu mëna bi sarif ci fañu wax sarif wa qabruha bamelam nak mashhurun lu siw la ma'rufun luñu xam la fofa yuzaru ñang koy ziar wa yutabarraku dañuy barkelu bi ci mom wa yuqalu wax nañ ne innaha mom kat wahabat joxna nafsaha bopam li nabi ñeleenti bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moy walat wamra'atan wahabat nafsaha nabi sallallahu alayhi wasallam in kana nabi sallallahu alayhi wasallam yuridu an yuzaru ayastankha khalisatan lak min dunil mu'minin mom ay bob lol lay jundju wala bi muy wax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu mëna tak bamuy wax ba di jéxal ci ñooñu mo ne ak jigeen do xamantene rek dafa bëgg bu ñëwé dafa la bëgg jox bopam né dama bëgg nga tak ma mën nako tak sans mu jaar ci ay mbokam sans mu jaar ci kilifa wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam mën na lool sans mu am tuteur waaw fenen fi meuna am yeb benen condition la meuna amé ben amna benen condition bu meuna amé moy jigen jo xamantene amul benen tuteur lulul yow bu boba nga bëgg ko tak bu boba bu ñëwé pour nga takko manam yow yaay tuteur mën nga ko may sa bop ak say cd ah bobu la ko mais quand a ay tuteuram ñi ngi fi d'une manière bu normal bu manam circonstance normal yi lool du mu ne lool yentou bi sallalahu alayhi wasallam rek mo am jagle bobu benen bi ci dess moy am soxna yu beure non lool tam yentou bi sallalahu alayhi wasallam rek moko jaglo lool tax bo xolé ayib yep yenante la doon utiliser annabiyu bam yexi ci in arada annabiyu su yenti beugé gis nga bu ne ay sank ha ci mu tak ko waye fofu mu dal waxul ne khalisatan lin nabiyyi fofu wax ko khalisatan laka yow rek yow ñun dooni mu'minin te way gëm yi julit ñi bokku ñu ci mu préciser ni julit ñi ci dess bokku ñu ci yeneen way gëm yi bokku ñu ci parce que su ko préciser wul won nit mën na ne yentibi sallallahu alayhi wasallam yalla day wax ak parce que en fait lool la quoi manam yalla borom subhanahu wa ta'ala day def buy wax ak yentibi sallallahu alayhi wasallam en réalité xet bi yep dañuy duggal ci bir même boudé yentibi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek en premier plan mais le fait que mu préciser mu ndun moy wone ni bu préciser wul won lool yentibi sallallahu alayhi wasallam xet bi dañ ci duggalé dañ ci mëna duggalé mais le fait que muy wax yentibi sallallahu alayhi wasallam ba ñew ba ne ko yaw ya ko jago duñu bokku ñu ci han lool day wone ni mbir mi vraiment yent bi rek ko jago sa sax motax kenn mënu musa ko wané bu indi fi wax né que ni parce que diw da doon yent bi sallallahu alayhi wasallam donc mom amna droit takku upp ñent soxna lool kenn mënu ko musa wat musa ko wané bu indi lool kep ko wax nga waxi ci xaar té ragalo yalla ci li ngay wax wala da ngay samonté ak ay considération wala ay lu mu ndor mais vraiment soit da nga xamul dara wala vraiment da nga ragalul yalla voilà ñaar condition rek mën na bu fekké té na xam nga li ngay wax moy loolu moy preuve bi gëna mak ak baru dalilin bi wone né yow mum ragalo yalla parce que nit munu ñëwé am fitu taxaw di jëma dagana lu gravité bu tollu non énormité bu tollu non lool dafa graw c'est que d'ailleurs lool kufru sax monsieur lool la bu sango mo moy est-ce que gën ci voilà ko kufru sax la parce que bu fekkene na xam nga ko xam nga parce que ñu xamul dara mo waxuma leen ñooñu kenn waxul seeni wax mais ñu xam motax ñuy wax ñu xamul dara mo dañu xam né atté ku xamut la koku d'ailleurs kenn duko askane lañ djumte en fait ki ñuy askane lañ djumte ak naan limuy wax nono la du nono moy ku xam borom xam xam yi lañuy wax mom lañuy waxal en tant que ki nga xamantene mom xamut amul xam xam mom bokul ci domaine borom xam xam yi koku kenn du wax ay mbir manam koku ay waxam kenn du ko wax manam kenn du ko bolé ci li ni wax ci ni énumérer non bokku ci wa buñ nane par exemple question bi kat nit ñangi ci wouté ak yoy nit ñi baatu nit ñangi ci wouté borom xam xam yi tax ñu wax na ñu dul bo xam xam mom kenn ni bolé wuñ len ci waxtan bi parce que ñom bu wax joté ils n'ont pas droit à la parole fofu amuñu droit di aventurer wu nan mais man nak gis na né han ak yaakar na né ak nima gisé mbir yi moy ak xol na ba xol waye dedet ñom lolu bokkuñ ci parce que duñ ay borom xam xam lolu kiko wara wax moy ki nga xamni au moins amna ben hein je pense que je crois que il paraît que ak deg na ñu nan ak yoy mom mëno koku mom am ñort na ne ak fogg na ne ah man day sama gis gu gatt day moy non lolu mom ñom waru ñuko wax manam borox xam moy am réticence bobu xépp résistance bobu nan man day ci sama gis bu gatt ak lima japp de moy ak lima yaakar moy lolu day wone ni dafa réticent ci mbir mi wala bok ke ni du dogu ci mbir mi ndax affaire bi nekul lo xamantene manam ndax masala bi ittihadiyo la lol motax and ak ne mom malgré que lol moy conviction mais nonu daf koy waxe utiliser expression bobu ngir lol lima gis moy nangam comme ñom imam malik rahmatullah liñ dan faral di def di wax ne nangam de ñun de ni lañ ko manam gënaluma ay dama ko sib ak yaakaaruma na manam ngir moy tindiku baatu haram ci situation bu mel non wala bok ah lol day diko def de mu gën wala moy yello na ci ñukoy def wala yu mel non ngir moy tindiku baatu farata la ak yu mel non mais kata mais lolou bu ko waxe ñom buñ ko waxe djublu wuñ ci ni affaire bi haramu la dañ ci dañuy moy tindiku parce que affaire bi daf masala bi ittihadi la dañ moy tindiku kesse mais kanta ki nga xamantene amul xam xam mom baat yoy da ko wara banir ci expression warul bok ci dictionnaire war ko war ci bok dafa war rek di netali limu deg jeexna netali limu deg jeexna amul ay analyse muy defal bopam amul parce que amul capacité meun analyser situation amul capacité bi waru ko def warul ci aventure yi ndax su ci aventure yo lolu limi tek moy jël na bopam exposer ko ci safara lolu rek li tek du lenen wa exposer na jël na bopam rek exposer ko bir safar lolu lay tek voilà motax yoyep mat na baye fa ay kilo yo xamne dafa mata baye xel ay xéti téggel la yo xamne dafa mata baye xel mais contrairement ak légui ñun yalla nañu yalla sam bam dess ñu yalla yeureum rare ñom ñoy manu ak di def attention ci mbir yoy ak di samonté xéti téggin yoy ñun li ëpp ci ñun légui prétention la voilà kenn ku ci nekk da ngay japp ne lu yow manam war nga mëna am niveau intellectuel spirituel pour mëna aventurer wu ci telle parole wala telle parole telle wax wala telle wax wala telle domaine wala telle domaine and ak ne domaine bobu moy domaine bi nga xamantene bo ci duggé té nekkul lo xamantene lu léra nga tek say wax xamal ni jël nga rek sa bop exposé ko ci bir safara lol mo jël sa bop sanni ko bir safara ñoy yam kep voilà li yent bi sallallahu alayhi wasallam xamna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu so bañé iza aratta an la tu tafa ala sirati tarfata aynin fala taqulanna fi ddin bi ra'yik so bañé ñu taxawal la ci sirat lu tollo xef ak xepi bul wax mukk ci diiné ji ci sa gis lolu moy yi nga xamantene dañoo accessible ci xam xam amna mbir yo xamantene accessible nañ ci xam xam ñepp mën nañ ko xam parce que mi ngi ci téré yi borom xam xam yi wax nañ ci ba mu leer lan ngay xalat ci li nga xamantene c'est dans un domaine plutôt spirituel lolou même nit de meuna am xam xam ba kawé meuna nek sax walu yu té du ci xam dara parce que c'est spirituel totalement lan ngay xalat ci domaine bobu manam aventurer wu sax ci domaine sharia bi parce que c'est intellectuel mo gëna yomb and ak nimu grawé mo gëna yomb ngay aventurer wu ci domaine bo xam dafa spirituel modu agna mbaxama sangam non tombe bi nek ci domaine ci ba mom du sax domaine bo mom mo gën kaw yaan ko non lolu tamit munulo ci wax ludul ci lo xamne xam nga ci dara ci lo xamantene xam nga ci dara amulo droit wax ci ba nga ci aventure wu ak di japp ne sa gis reyna wala legui sa spiritualité dafa commencer élevé wu ba nga ci wax lo xamantene bokul ak deug haqiqatan li nga xamantene mom moy li ci am wa de même modou yegg na ci maqama sangam han ak man amna nangam ci lo xamantene yow dang ko fokk rek parce que tout simplement xam nga leug leug nit wax ci benn maqama lo xamantene en fait daf ko de comme rek voilà ko xamantene en fait deug deug yeggu ci mais dafa am ki quoi ciolol gi yex ci mom rek manam ciolol gi mo yex ci mom mais lolu munu ci prétendre né agna nangam wala nangam wala nangam dafa am mur yo xamantene fo manam ci domaine yep la c'est-à-dire que wax ci diiné de manière générale ci walu yalla de manière générale mo laaj prudence bu exceptionnelle mo laaj ak manduté mo laaj baña dugg ci lo xamantene xamuko parce que lolou la wor lepp lo xamantene bokut ak lolou wor bokul ci nga wara aventurer wu di ci wax bo bañé ñu taxaw lola ci kaw sirat ay jamono bul wax ci diiné ji lo xamantene je pense que ngoy tek ak yaakar nana ak fokk nana ak yegg nana ah mo xam ci walu sharia bi la wala ci walu tariqa bi la wala ci walu haqiqa bi la mo xam ci domaine suluk la wala ci domaine haqiqa ak maarifa la lu mun doon té d'ailleurs non ngay akhir barka xam xam fofu lay tambalé barka xam xam fofu lay tambalé voilà ñuy bañ di ñuy maintenant nak mbir mi nak day gëna graw encore su fekkante ni mbir mi dafa lèr ci diiné mu nek lo xamantene arté bi ijma' la yow nga bëgg ko soppi ngir say barnexu bakkan ak di jema jël ayay diko lew di dam lo su ayay hein ak hadisi pour di jema tout temps di tourner mbir mi ba kéro mo lay arranger wala mo arranger say gaay yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam loolu mom motax ko xamantene day sakku xam xam fu mu toll ci sakku xam xam na def priorité di yam kesse ci lu mu dekk te bu mu wax ne man ma yaakar wala man ma gis wala man ma fokk wala man ma xam mbolem ñi nga xamantene xamé nañ te yegg nañ ci borom subhanahu wa ta'ala do leen di gis ñuy waxé non dañuy wax rek de manière générale wala ñu nettal da ngay gis motax même hatta tafsir ak ta'wil bokku na ci leen wutale moy tafsir da ngay yam ci li nga xamantene mom moy liñu yaxal liñu bimbi li nga xamantene mom moy liñu nettal ñu ni diw neena ni ibn abbas li la ahadi ay bi bimu waxe ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da firi won nako nangam wala amna ay bu ko firi nangam ay sangam wax ni mom la wax ci nangam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni la ko firi sahaba ay radhiyallahu anhum diw sangam sahaba yi sayyidna ali wala ibn mas'ud wala ibn abbas wala ñen radhiyallahu anhum ni lañ ko firi wala nga ni ñom mujahid wala qatada wala radhiyallahu anhum ajma'in ñom ñep wala kenn ci ñom ni la ko firi lool moy tafsir bo demé ci ta'wil nak and ak subhana rabbi day gis kum ko melni imam at-tabarani at-tabari rahimahullah day wax ta'wilu aya bi de nangam la te boko setlo tafsir bi la ci djublu bo xolé ta'wil xam nga la wax mi mom mais en réalité tafsir lay def ndax da nan diw neena diw neena diw neena wala da nan première vision liñ jëk gis ci aya bi de amna ñu ko gisé ni amna ñu japp ne li lay tek dal di commencer indi isnad bi ba ci diw mom wax ak neena diiw neena après mu ne lolou moy waxu diiw tamit indi isnad ba ci diiw momo wax nam ko waxe et cetera et cetera après mu ne amna ñeneen ñu gisee ay bi neneen la ne leneen lay tekki isnad bangi ndax diiw mo ñu nersal neena diiw neena diiw neena nanga su paré nak parfois su paré mu def analyse am dal ni lima japp de moy xeyna bi sangam manam bi ñoom diiw ak diiw wax gis gogu peut-être que mom moy bi gëna deugar ndax nangam ak nangam ak nangam et cetera and ak lool mom tawil lay wax yalla nañ yalla sam mais subhan rabbi dafa melni ñun légui affaire bi démé tout non ñun légui kenn ku ci nek da ngay manam comme ni mako ben way wax sank di sa ñu bok ñu wax sa nak moone légui gaay dañuy dañ nan ah way mom exemple Mustafa la joxé né bon mëna nek kenn wax man mom du wax exemple ci lool néna néna waji da koy déglu rek day déglu kenn ci rek daal bi xaarama dajj gaay a commencé net té parfois sax leg leg mën nga ko diglu waye do ko dig ki gëna mucc ci di toxal xam xam bu mën doon moy ki nga xamné bu ko toxal daf ko toxalé exactement baat ñu ko dégg loolu tax képp ko xamantene dafa prétentieux lolo tax prétention bok ci li nga xamantene day tax xam xam nit ki du ko meuna am la tax prétention ki te lolo moy suñu fièvre jamono ci bok na ci suñu fièvre yi gëna mak suñu jamono prétention ci sax xam xam sax xam moy prétention moy da ngay japp ni mum buma ko déggé suma paré dina comprendre wax ci comprendre na wax dina ko comprendre et que après ni ma comprendre non non la koy netalé fek en réalité hay hata dem affaire bi demout non ay définition la ay wax la yu leer mo bu nek dafa am solo mo bu nek dafa am importance encore buñ né la lan moy la définition de la terre par exemple wala la définition de l'eau kenn ko ci nek mën nga wax li nga yaakar mais borom xam xam yu kenn am nañ ñu ko définir et que définition bobu boko jappul netale ko nonu meun nga gisee ce gisu bok fek ce definition yow bi nga joxe dafa am ay limite affaire bi taxout non lan moy ndox mu lap lan lay teki wala lan moy ndox munu joyal maul mutlaq moy lan wala maun tahurun moy lan ak yu deme non bu fekenteene da nga japp ne non comprendre na lim wax manam comprendre nga ko rek nga ñew bu ko netale sa bop mën nga wax lo xamantene bokut ak lam waxo ce qui veut dire que da ngay dégg samba japp demba dem di netali netali parce que lan motax prétention bi motax parce que lool yépp parfois prétention mo koy waral mais bu doone da ngay japp ne dina ko japp exactement nim ko waxe bu ko defé suma koy netal duma ci yok xaraf ngir ñu non lay dem lool motax manam lool yépp ay mbir la yo xamantene yu ci important la yo xamantene yu mata baye xel xet teggul la nak yo xamantene légui dafa commencer disparaître dafa commencer disparaître mais totalement tay bo xolé borom xom xom yi rahmatullah alayhim suñu bind leg leg da nga ci gis ño xamantene liñu la netali tay ben histoire tay buñ la ko netale deewen nga ñew même chose lañ lay netale duñ ci yok xaraf virgule duñ ko ci wañi bo lan laaje ci ben hadith wala ben masala niñ la ko waxe won daw wala daw ji ak dalil yi ñu indi won argumentation bi lan ni même chose lañuy répéter wat à moins que ñu changer avis bu boba dañ ci yok dalil bi nga xamne mo wañe mom mo mu yok wat ba tax ñu changer avis mais sinon da ngay gis nañ ko waxé won daw wala daw gi bo lan ko lajaté ren non lañ koy netalé wat ak même hadisi même waxu borom xam xam yi même aya yi même hadisi même waxu borom xam xam yi ak même tontu yi même manam thèse ak même antithèse avec une précision mais bo xamantene wax ju ben lolu day tektelé né dañ ko japp xam ko non masala bi ñu japp ko non maîtriser ko non lañu jappé masala masala kenn duko jappé ci ah d'accord bon apparemment manam par des approximations affaire du de manière approximative abadan dañ koy japp ci anam go xamné dafa am ay précision dafa am ordre dafa am façon de raisonnement aussi du façon bu nek lañuy raisonner dafa am façon raisonnement fofu nak la usul amé importance am parce que day tax nga mëna comprendre raisonnement bi lan la ak qawaidi niki nono tamet bo jappé ben mbir bu nek dang ko wara japp ba paré jappalé li nga xamantene mom lay andal lool mom motax tamit ngay gis yenn ci borom xom xom yu rahmatullah alayhi yu bari di def buñu jëlé ben question duñ ko bayyi duñ ko jaar duñ ci jaar rek superficiellement nonu rek dem dañ koy dañ tout ce qui tourne autour de wax ji dañ koy traiter parce que ci lañuy mëna maîtriser question question masala ken du ko maîtriser ak domaine bu mën doon ci par wax manam ci par ben phrase wala ñaari phrase affaire bi dafa am lolu mbir la mais tout ce qui tourne autour té lolu jot nañ ko gis ci jaway haqaiq bi fini bo sétlo bi sharh yaqutatu haqaiq bi gis nañ ci ay point yo xamanteni day gis Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu daal wax ji ba paré daal né bu fekkentene dañu laaj nangam wala dañu wax nangam tontu bi li la bu fekkentene dañ né yow li nga wax mëntu ju parce que amna limite ci sa wax ji nangam la wowa tontu bi nangam la manam mbir mi non lay démé mbir non lay démé mais bëgg japp ben mbir mo xamantene vite fait rek nga ko japp approximativement nga ko xamé ni rek bëgg ko jël atté ko ci lepp ak ci domaine bi yépp ci anam yépp koku lolu djubbu té képp ko xamantene non ngay jappé mbiri sik nekku ci né di nga djum djumté yu reuy reuy reuy comme tay par exemple buñu jëlon ci qawaid qawaid fiqhi nga jël ben qaida rek dal koy jappé nonu té xamoni qaida bi day am exception ben ñaaral bi moy lool moy qaida fiqhi bokku do qaida usuli duñu di am exception alors que qaida fiqhi dañ koy am ba paré moy usuli moy fiqhi dafa am domaine manam tay buluma ñew rek lenn ben mbir bu mu nek mani ma kharaja al qiyas fa ghayru alayhi la yanqas rek bëgg luma gis rek dal na kharaja al qiyas mbir mi deme non hein wala mbir mi deme wut non hein ak tarkul istifsar par exemple tarkul istifsar fi maqamil ijmal yunzalu bi manzilati al umumi fi al maqam hein manam moy buma baye tekantal manam buma baye di laaj ay istifsal moy ay detail di laaj ay detail ci place bo xamantene dede fi maqam al ihtimal wala tarku al istifsal fi maqam al ihtimal yuhmal bi manzilati al umum fi al maqam wala qaida lool la mo baye di laaj ay detail question place bo xamantene ay possibilité ay supposition daf ci beuri lolou day wone ni affaire bi dafa général question wax ji dafa général manam exemple bi waji ñewé ni ñoy ñi yentibi sallallahu alayhi wasallam yuhu joy nangam ñew ne alquna yaquna jeexalna nangam mu ne ko lu xew hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne ko man dama nekkoon ci marché bi di jaay am ndaw su ñëw ne ma am ñu di jënd bi muy jënd mu ne ma ne ko ne ma am ma ñu ko jégesil mu jéges mu ñu ko jégesi waatal muy gën a jéges ma ne ko jégesi waatal mu jégesi rek mu daal koy fóon après nak ci saasi affaire bi nak at affecté ma mu dem ci yentibi sallallahu alayhi wasallam di joy di wax ne mom yakuna nangam nangam et cetera yentibi sallallahu alayhi wasallam niko wato lo mu tok bi takusan jote mune ana waji manam ki ñewon di laaj mu ne ko ma ngi mu ne ko demal nga japp ji ñu julli mu dem japp ji ñu julli ba pare bi ñu julle ba pare yantu sa sam ne ko amna aya bu wacc bimu nan aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati tudhibna sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin aya bob ci lool motax mu wacc manam moy taxawala julli ci ap chat ci ci ñaari ciatu becc gi ak guddi gi ci xaj bi manam ñaari ciatu becc gi mu indi kon suba bi ak timis ak takusan ak tisba ak tisba tam ci ciat bi la ci digg bi ko mu ne ak guddi gi moy xaj guddi gi moy geebe après mu ne ndax innal hasanati yuzhibna sayyi'ati yu bon yi manam yu bax yi jëf yu bax yi dañuy yobbu jëf yu bon yi dañ koy dakk dañ koy effacer ayé bobu légui bimu waccé acca wadi comprendre né lool la mais le fait que yénnati bi sallallahu alayhi wasallam laaju ko né ko ndax sa ñapp dafa toj wala tojut moy woné né képp ko xamanténé dafa laal jigen mu djublu ci banex wala bok djublu wu ko ci mais amna ko ci ñappam day yaa parce que su fekkonté né amna possibilité lool moy tax parce que le fait que yentim sa tar pour istifsal le fait que mu bayyi laté bobu out ay détails lat ko ndax amone nga japp wala amone japp fi maqamul ihtimal ci beurep bi nga xamanté né possibilité supposition yi bari won nañ ci moy né amna japp wala amul japp manam lenen tojon na japp wala lenen toju ko lool motax yunzalu dañuy wacce le fait que lajul dara laaju ben detail dañ koy wacce bi manzirati waccu wayo al umum generalite du matale ci ne ndekete ku kep ku laal jigen te am ci banex wala amoko wala nga sak ko ci parce que il se peut que waji parce que le fait que laaju ko ne ko ndax am nga ci banex laaju ko mais xam na ni possibilité wu amu ci banex parce que le fait que mu joy rek deja moy wala il y a une possibilité deja que ni amu ci banex mais djublou ko ci lolou rek moy woné ni kon affaire bi généralité bi la moy né boko ci djublou tam ci la bok ñun solo man jëlati la umumi fil maqal ci wax donc lolou la mais lolou par exemple mënuma ko jël règle bobu fuma dem rek gis na yent bi sallalahu alayhi wasallam xeyna fi gis nañ ni wutul won ay détails yoy rek dafa rek ma daal mi ay tarkul istifsal affaire bi du démé non manam il faut que d'abord mbir mi nek lo xamanteni effectivement istifsal daf ci wara am cela dire il faut mu nek lool contexte bi il faut que contexte bi wone ni li la daf ci manam out ay detail daf ci wara am et que information bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam jot moy wone ni comme tay par exemple tarku istifsal par exemple munuma ko utiliser ci hadithu Omar ibn Kharija bi radiyallahu anhu moy bi mi wax ne mom mo gënon nek xalé moy hadith nek sahaba Bukhari rahmatullahi alayh mo gënon nek xalé ci sen wa groupe sen ki ñom sen wa dekk sen village ñom buñ daan ñew di tukki ci di ñew Medina ñom comme que mom mo nekkon xalé mo ci gënon tuti dañ ko daan wax na mu xol fa ki ak fasé gëlem yi yoy ñu ki ko ñom ñu dugg ci jabar manam marché bi quoi légui buñ ñëwé ñom buñ délusé après ñu dem mais mom lu temps ko mu togon non da dan dégg sahaba yeen sa sax di jang alcorane dégg mu leen dan dégg non motax mo ci gënon mo ko alcorane légui yeen sa sax bimu né leen bimu ñëwé tuup ci ñom mu né mais mom mu doon mëbet fay way ñun dal yalla nañ tuup rek yalla suñu wa dëkk ñëw tuup ci way ba bénn jour ñom ñu ñëw tuup ci biñ tuubé yeen tib sallallahu alayhi wasallam né leen dem leen nangam wax leen ay orientation ba par dal leen fal ya ummukum aqra fal ya ummakum aqra'ukum li kitabillah ki leen gëna jang téré yalla bi na leen di jité ki leen gëna daqat jang alquran gën leen mokal téré al téré yalla na leen jité ñom ñu dem gis ne xol gis ne xala bi mo ci gëna mokal alquran mom bo xala la 6 ans la am han bon mu dem jitt ñom mom légui da dan faw ci bu heure julli jotté dañ dem wër ko ci xala yi fo ñu dem indi ko parce que mo ci gëna mokal alquran yeen dim sa sal lool la wax par exemple loolu non bo xolé Shafir tolalem ñom ci hadith bobu lañuy sukkandiko pour wone ne pour wax ne xalé mën na jité ci julli hadith mi ngi sahih imam al-bukhari rahmatullah imam al-qurtubi rahmahullah bi muy traité masala bobu dafa wax bo wax position maliki imam hanafi shafi imam hanafi maliki ak hanabila rahmatullah ci ne xalé mënul jité julli mu wax position shafi rahmatullah bi mu paré dal ne mais man néna qultu as sahih li wer moy ne xala mën na jitt na lo tax mo ni indi hadith bi manam moy position shafi rahmatullah te pourtant hadith bobu kenn mënu ci utiliser tarful istifal lutax parce que yantou sallallahu alayhi wasallam bim len koy wax ne len dem len ngeen jitté manam supposition amna ci ne mënon na manam keñ manam ñoom bo len dem len ngeen jitté mak ñi tax ñu wax mais ñom dañ comprendre généralité bi andak ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam manam bimu len ko wax mak ñi tax ñu wax loolu tax imam ahmad rahimahullah buñ ko daan wax naan ko xalé mën na jité mu ne lan moy ki bi ñu indir ko hadith bi da daan sanni loxo bi da laysa fiha shay'un bayyin wa bayyin loolu way loolu dara lu leer neeku ci manam hadith bi dara lu leer neeku ci parce que lutax parce que imagine su fekente ne dof mo dakono mo gënon mokal est ce dañ nan dof bi moy jité bu doon jigen mo gënon mokal est ce dañ nan jigen bi quand même moy jité dede donc ce qui veut dire que ñom ñoo comprendre l'affaire bi et que yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamul woon ne lolu xew la parce que ay mbir daan na xew ci jamono mu yenenbi sallalahu alayhi wasallam du xamne affaire bi xew na comme sayyidina ali karramallahu wajhu ak sayyidina sal radiyallahu anhu ñom ñep bi nga xamantene dañ doon wax naan ñom dañ dan sangu dañ dan def buñ dan gis mas yu lu bari dañ dan gis mas yu lu bari mais dañ dan sangu tout temps tu sangu farata neena ba seen ndigli di waja xotte ko neena be bu ñewé di wax ko mujj wax ko yantim sallallahu alayhi wasallam budé sayyidna an radhiyallahu mom al muqtad ibn aswad la yoni won radhiyallahu yantim sallallahu alayhi wasallam da di ré da di dédé da yon na rek manam nit ki raxas ciiru da di di japp bo pare day japp rek te and ak lolou mi ngi non xam et cetera Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu bim ko don def bim don dem bi julli di bu julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xal bi dug ko mu dem jité ji gaay la di téré ay baqara mais yaronte sallallahu alayhi wasallam yu ko biñ ñëwé yëgal ko ci la né ha té law ko convoquer mer né afatanu anta wax ko ñett yoon est ce que yow fitna kat da ku indi kat fitna nga manam pour wax né manam rek pour wax né manam lool meul mbir mën ni xew ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam bir medina te yenenbi du ko yeb sallallahu alayhi wasallam donc le fait que lajul ben éclaircissement ci mbir mi lool manam par exemple fofu ken mu fa utiliser tarqul istifsal lutax parce que situation bi ni mu démé nonou beaucoup de situation bele situation bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo doon joxe ay ordre beaucoup le ki nga xamné dafa ñew diko proposer situation mais bi ba mom mo joxe ay ordre donc fofu ken mu lu wax nan way tarqul istifsal nangam par exemple d'accord mais ci histoire Mu'adh ibn Jabal wa lutax mune ko yow est ce que da ngay indi fitna parce que dañ ko do jambat ci parce que gaay dañu wara dem xewi ju baye tol yi te tol yi dafa metti mom bu guddigi joté mom day julli ci yentibi ba pare sallallahu alayhi wasallam doga dem Masjid Quba dem jité di len bu démé di taré ay bakara na xal bi koy dugg yeen sa sam ni ko mais est ce doyul won nga jang sar bu melni sabbih isma rabbikal a'la wal layli idha yakhsha idha zulzilat al ard wa ash-shamsi wa duhaha idha zulzilat al ard wa zulzilaha ay est ce doy ak wa duha mo gën ngay wala ngay bakara wala non mais c'est que manam limu bëgg wax ci mbir mi moy né affaire yi dafa laj tak ak maîtrise lajul mbir mi du simple comme niko ñu bari fogué diko banaliser non affaire bi simple wu non dafa laj té dafa laj tekatal ki mi ngi mel rek comme ad-darurat tubihul mahzurat lor yi dañuy daganal yi ñu haramal nga gis ko xamne mom sa yu amé situation bo xamne day xaw compliqué ci mom rek du mën muñ manam nanguwul muñ affaire bi nanguwul teggo ben choono bu ko sharia tek rek mu ne eh non ad-darurat tubihul mahzurat affaire bi demewul non parce que dama ay circonstances dama ay circonstances ba paré même ad-darurat du darurat yépp ñoy tubihul mahzurat tay par exemple buñu jëlé nit né ko ray ko waji timalé la pistolet bi né la jël tél 12 coup bi nga téy ngi dooral waji mu dé mba ma ray la lool du dagal ci nga ray waji parce que lutax sa bakkan gënta cher bo sop tout simplement c'est à dire que yow and ak yaagi darurat yaagi ci lor parce que dañ la wara ray après mais du dagal par exemple kuñu té lolou kuko def dañ koy ray mom tamit dañ koy ray après sharia da koy ray do ko xamantene tay par exemple dafa nangou ñu def ko yefu gor jigen lu mu nek ci lor waru nangou même buñ ko timalé pistolé né dañ koy ray du war ko nangou bu ko défé punition bi ñi tek ñi def yefu gor jigen lañ koy def lañ koy tek est ce pourtant kok neeku ci darura est ce tu bihul mahzura non c'est que manam bolé ko il faut que darura bi nek lo xamné muhaqqaqala légui nak ñun da ngay gis ci luxe lañu tuddé darura du légui luxe dañuy tuddé nécessité té amna différence entre luxe bi nécessité bi ak même un besoin ñom ñet yépp duñ bok pour bokku ñu ñom ñet yépp bokku ñu lolo tax képp ko xamantene du motax affaire dafa gëna dafa laaj sétantal dafa laaj tékantal dafa laaj maîtrise manam dafa laaj gëna dëgeur gëna yitté manam yitté bu reuy laaj yitté bu reuy la laaj compréhension bu wër la laaj ñawum xel la laaj ak voilà mais laadul ay prétention lajul jappane non bir mi yomna comme non je l'ai entendu c'est bon je peux me débrouiller d'accord sayyidatu maymuna radiyallahu anha kon ni ñewat ci wa cheikh amuna question wa bismillah bu nekké par exemple li nga wax ni moy di netali comme ni ko déggé diko tak wa lolu lan mo ci gëna gaaw ah lolou te yitti la lolou mom début bi day metti comme tout le monde début bi dafa metti ñepp niñ ko xamé ni mako xamé nga xamé ko keneen xamé ko mais nit ki su mënul tak li muy mokal bu mënul mokal dafa am ay mbir bu jëk bi moy déjà muy ñaan yalla dimbali ko ci parce que ñaan moy jassi julit moy armu julit premièrement deuxième chose mom moy mu moy tandiku lepp lo xamantene ay xéeti ñaawteef la ñi waral xolam di tak bo xamantene xam bi nga xamne leer la bu ci meuna gravé wu comme li imam shafi la dayal wax ni mom la lajoon waqi'a rahmatullah alayhi imam waqi'a rahmatullah leng kon bobu benen ñaarel la ñettel bi moy di julli choono pour di mën di tak ci di bu fekkente ne lu ñuy déglu la nga déglu wat ko ba tak ko hein bu laaje nga bind ko ngir lire ko mokal ko nga def ko mais il faut mu nek lool il faut mu am nga nangu ci da ciono ñun nak suñu problème bi nga xamne mom lañu am moy dañu bëgg am xam xam mais duñu daj ben ciono affaire bi nak waru démé non dafa laaj ciono xam xam dafa laaj ciono ah ciono bu reuy la laaj waaw gis nga al ilmu la yudraku ma arahati jismi comme li kan wax sayyidna yahya ibn kasir ibn abi kasir rahimahullah yahya ibn abi kasir rahimahullah sahih imam muslim rahimahullah dafa indi dafa joge ci babu tahara non duggu ci babu tayam wara duggu ci buntu julli mu dajale ay hadith yu bare mais dajale nimu dajale mbir mi comme imam muslim comme nim koy def ci adam rahmatullah alayhi radiyallahu anhu day indi chien yi manam nga gis nimu dajale chien yi solo même de ki wa medina wa makkah wa sham wa hein ñu ci wa kufa wa basra et cetera ba pare dajale vraiment affaire bi ba nga xamne atay team da fay leer man ma sha Allah atay mu jexale ko te buntu mu jexale ko ben wax bo xamne da fa indi isnad ba ci yahya ibn abi kasir rahimahullah mune neena ala ilmu la yudraku ma rahati jism xam xam kenn duko am and ak yaram wu sedd yaram wu noy wu sedd dede boro xoxam yi rahmatullah ni sharah sahih imam muslim rahimahullah dañ mais pourquoi comment ban rapport la wax ji am ak buntu lap bi muy jugge bi muy wax ban rapport lañ am après ñu muju gis ne en fait rapport biñ am den la moy daf lay wax ne la hadith yi ni bo xolé dekk bu nek dem na fa pour dajale sen ay xam xam sen cyallale yi pour dajale xam xam bi ci jëmi bopam pour dajale masala yi manam ba indil lako ni motax xam xam kenn du ko am ak yaram ko sen ok mais bo jappé ni yow heure bu la neex ngay nelaw heure bu la neex ngay ataya jotay nan café yi heure bu la neex nga ci tew setan match ak film PlayStation heure bu la neex après nga ni bëgg di nelaw 18 heures par jour mais nga japp ne di nga mën am xam xam mais lool mënul ne c'est que xam xam kenn du ko am ak yaram wu sen voilà manam day laaj julli ciono day laaj def ay effort day laaj def ci yitté persévérance ba boko bolé ak tamit di jëfé parce que le fait que ngay japp ben affaire dégg ko xam ko diko jëfé day tax ba xam xam bi tout temps day renouveler ci yow parce que tout temps yang koy jëfé mise en application waaw lool tamit da la ci dimbali bu baax voilà ak manam di def muzakara ak muraja ay révision ak ay fatelenté wa ay révision fatelenté et cetera mais mëno ko am ci mal il faut non affaire bi du lolu rares sont les personnes ñi nga xamantene ñom dañuy naturellement lañ mel noy non lolu dañu rare donc su fekkete ne boko ci ñooñu té bul prétentieux japp né yow moma no mais man je suis intelligent parce que kenn ku ci nek da nga japp né da nga intelligent hein affaire bi loolu kenn ku ci nek japp né mom da intelligent et que mo gëna mous ay moromam mais mbir mi démé wut non xel bu doon jaay day lambo hein comme niko wolof yi di wax kenn ku nek sa xelum bop doyna la seuk kon manam il faut pas être prétentieux japp né yow tu es au-dessus de la mêlé yow ya raw gañu ya le upp xel dang leena gëna mous dedet affaire demout nonou kenn ku ci nek amna domaine yo xamne buñ ci duggé da na gis ne ay morom moko gëna mus amna nak domaine yo xamne buñ ci duggé mom day fogg ne mo gëna mus ay morom mais dinañ dem ci yeneen affaire yo xamne dina ne man ndekati sama morom yo gëna musa donc affaire yi il faut té domaine bobu nak bu japp né way mais bon suñu bolé lepp je vois que quand même sama morom ma la gëna mus d'accord mais li xam xam la bo xamut boko xamul rek xamoko boko xamul rek xamoko voilà dafa laj tak tak japp japp affaire bi maîtriser té ci lolu gis nga lo ay mathématiques bu fekkenti né théorème yi moko lo len comme ni mu nekké ha moko lo len comme ni mu nekké exercice buñ la ko joxe nga fausse parce que yow moko lo théorème ak application moko lo len moko lo manam voilà affaire bi voilà lan la moko lo ko comme moko lo ko xamoko mais da ngay fausse tout temps lo mous mous mous do mun raison physique non la ak yenen domaine yep li moy xam bir xam manam da ngay xam bir mi ni mu demé kep kou la laj lan moy préhistoire ngay fekk xamulou lan moy préhistoire is bo joxe ab définition da ngay fausse dang koy mokal ñu xamné préhistoire kat ndekété moy nangam ñu da di koy jappé non buñ la ko lajé nga mën ko tonto non mu nekk xam xam bu leer bo japp bo tak bokoy netale nga netale ko non nga baña nek di wax rek li nga xamantene mom nga japp ne lolou lay tekki wala yoyu lan moy les 4.4 cardinaux so fekkentene xawma 4.4 cardinaux yi mun mo fe nek nan bon amna ben côté fi benen côté fe non ben côté fi benen côté fe buma taxawé dañuy nekké ni lolou du wax deng ñi ngi tuddu SOS nord sud non lañ tuddu bu fekkentene jappewumako nonu moko lewumako nonu damay joom tout temps dama nan moy buma taxawé amna lu né sama kanam amna lu né sama ginnaw sama ndey dior ak sama chamon lool moy 4.4 non alors que lolou c'est fou parce que mën nga taxaw bo xamantene da ngay jeng do nek ci 4.4 noy voilà donc xam day lèr dang koy manam il faut nga comprendre d'abord que ni mbir mi dou ay approximation dedit lu lèr la wala legui nak a un moment donné nak le yalla da koy yombal au fur et à mesure yalla nak day dem ba nga xamantene dal ci defal fatkhu nak mom boba nak legui li ci dess yep yomb mais début bi mom dafa laaj lolu dafa laaj ay choona d'accord imam malik mi ngi ni radiyallahu anhu moy imam wa madina imam darul hijra radiyallahu anhu ardahu yitté ci xam xam motax yitté bi yitté ci xam xam comme li imam al-qadi ayad wa rahmatullah alayhi ci tartibul madarik demna ba jaay tégu négum pour jënd ay téré xam nga yu tégu né moy patron plafond ak gis nga medina limi tang ba ci gité non lay séddi goudi ay température extrême la mu dem ba xam xam jaral ko mu xamul lu muy jaayati mu né bon finalement plafond nég bi lay jaay dum koy wéki dem jaay ko bu ko jaayé mo meuna ut ay tire pour meun am xam xam manam donc lolu il faut ñu xam né dafa laaj yitté dafa laaj ay sacrifice mais xam xam kenn duko amé ak yaram wu sedd voilà non attends non c'est que tant je me sens pas à l'aise non dafa laaj rigueur dafa laaj voilà dengo ñu jéxal ki bi inshallah dengo kon mom c'est de hein voilà wa kon jéxna sax wa c'est de ma mo do ngal voilà kon mom mo mujjon ñoy soxna yentou sallallahu alayhi wasallam kon radiyallahu anhunna ajma'in yalla nagn yalla tax ci sen barke yalla nagn yalla bolet ñi nga xamantene dañ leen di sokk ñu leen wara sokké yalla yalla def suñu jigen ñi mo xam ay soxna lañ wala ay dom lañ wala ay yaay lañ wala ay bajjan lañ wala ay tante lañ wala ay mam lañ wala ay seut lañ yalla borom subhanahu wa ta'ala wala ay am di jamm lañ ay xamé lañ yalla def leen ñu roy tegu ci tank yi ñi nga xamantene ñoom ñoy soxna yentiba alayhi salatu wassalam ci zahir ak ci batin ci barke mom sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.